trouvé en Blu-ray, en brocante à Cabourg. Sans m'attendre à un chef-d'œuvre, j'en attendais au moins un divertissement aussi efficace qu'agréable à suivre. Un truc à la hauteur du talent martial de Scott Adkins, quoi. Et au lieu de ça, j'ai pris une brouette de merde sur la gueule. Et pas le petit format en plus, non. Là, c'est carrément la version famille nombreuse. Y'a rien qui va dans cet étron. Aucun respect du spectateur, même Adkins fait le strict minimum syndical. À l'image de son personnage principal, il n'est là que pour le pognon. Et déjà ça, eh ben ça me fait de la peine. Mais ça s'arrête pas là non plus. Slater cachetonne pire que dans Alone in the Dark, à ce niveau-là c'est de l'art. Le reste du cast traîne paresseusement sa carcasse en attendant la paye. Quant au réal... Bon, je vous aurais vraiment ne pas lui imputer tous les choix chiasseux qui s'accumulent. Mais il est quand même censé diriger tout ça, et faire des choix de mise en scène, de montage, d'étalonnage et tout ça. Donc, il est foutrement responsable de cette image crado, surexposée, parfois cramée, de cet étalonnage qui tire franchement sur le jaune pisseux, mais alors façon aire d'autoroute en plein été, de ce découpage infernal qui ruine n'importe quel combat, qui flingue l'impact et le talent d'un type comme Adkins. Bref, s'il y a bien un responsable à cet étron balancé à la face du malheureux spectateur que je suis, c'est bien ce Eduardo Rodriguez. Épargnez-vous une douche à la merde et les yeux qui saignent, si vous voyez cette galette, brûlez-la. Un Scott Adkins passé sous les radars mais fortement conseillé par les pros de chez iKick, forcément ça m'intrigue. On ajoute que c'est réalisé par Isaac Florentine, l'homme derrière la caméra pour Undisputed 2 et 3 ou Les Deux Ninjas notamment, des films que j'aime beaucoup, très honnêtes et très efficaces. Ici, j'ai un peu été refroidi par le générique franchement dégueu, et ce malgré une scène d'intro très efficace. Et puis, il y a aussi la musique, sympathique au départ, la rengaine devient vite pète-burne, mais quand même, c'est très très efficace. Il y a peu de temps mort, on enchaîne les gunfights, les bastons et quelques dialogues sans s'ennuyer. L'histoire est certes plutôt convenue, Scott est un ancien soldat, un déserteur, un renégat, c'est le rebelle, il y a un peu de ça quand même, hein. Il débarque pour aider sa sœur et sa nièce, aux prises avec des vilains trafiquants et le shérif corrompu. Du classique, quoi. Avec un pitch comme ça, franchement, Stephen J. Cannell, il a pondu 3 ou 4 séries de 5 saisons, à l'aise. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'ait jamais eu un acteur de la trempe d'Adkins. Bref, un pitch simple et efficace, un rythme effréné, parce que vraiment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, un acteur en forme, on coche toutes les cases de la bonne série B d'action à savourer avec une pizza et une bonne bière. Pas tout à fait au niveau de One Shot ou d'Avengement, mais pas si loin que ça. Si on enlève la rengaine sifflée et le tic de réalisation de Florentine, eh ben on passe un très bon moment.